Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Me suis-je embarqué? Quelle folie m'a pris de proposer à Mme Coudon de participer à sa campagne de fertilisation culturelle de la classe politique. Comme si exposer les gouvernants à la culture allait les détourner des malversations et des pots de vin. Ce que je fais? J'écris une pièce de théâtre pour Mme Coudon. Du moins, j'essaie. Je ne suis pas très inspiré. Mon très cher monsieur... Bonjour, témoin. Toujours fidèle au poste à ce que je vois. Toujours. Ni la pluie, ni le vent, ni la neige, ni le froid... Ni les invectives, ni les insultes, les colibets, les portes en pleine poire... N'arrête un témoin de Malvina. Je vous dérange? Comme toujours. Je n'en ai que pour quelques minutes. Prenez votre temps. Je ne suis pas particulièrement pressé de retourner à mes occupations aujourd'hui. Ah bon? Et pourquoi? Pas d'inspiration. Vous savez où je trouve le plus souvent mon inspiration? Laissez-moi deviner. Dans la Bible? Non. Dans la biographie de Malvina? Non. Vous donnez votre langue au chat? Picard! Quel langage! Excusez-le, il déteste les langues, qu'elles soient sales, de veau ou de bois. Vous disiez? Mon inspiration, vous savez où je la prends? Laissez-moi deviner. Dans la Bible? Ah non, on l'a déjà fait ce bout-là. Alors là, non, pas du tout. Dans notre merveilleuse revue Rendormez-vous. Vous connaissez déjà notre merveilleuse revue Rendormez-vous, n'est-ce pas, mon cher monsieur? On y trouve cette semaine un article fascinant s'intitulant « Le tsunami, main de Dieu aux mains du diable ». Ça ne vous ferait pas un excellent sujet de pièce, ça? Difficile à mettre en scène. Ou bien... La science a-t-elle eu raison du diable? Comment voulez-vous que j'écrive une pièce avec un sujet pareil? C'est beaucoup trop théorique. Vous n'auriez rien de plus concret par hasard? Attendez voir. Ah! J'ai trouvé! Notre société a fait tomber les saints de leur piédestal. Est-ce assez concret pour vous, ça? Oh! Pour être concret. Mais où est l'intrigue? Où sont les intrigants? Non, j'aurais encore moins de difficultés avec une adaptation de la vie de Malvina. Oh oui, quelle splendide idée! Oh non! Remords. Moi, proposer la vie de Malvina comme sujet de pièce. Décidément, je fais le mauvais coton ces derniers temps. Peut-être que je devrais voir un psy. Alors, Monsieur Courtemèche, où en est notre petit chef-d'œuvre? Bonjour à vous aussi, Madame Coudon. Oui, bonjour. Alors, notre petit chef-d'œuvre, nous en sommes où? Pas loin. Comment? On n'écrit pas une pièce de théâtre en criant ciseaux, Madame Coudon. Non, bien sûr, mais tout de même... Il faut me laisser le temps d'aligner mes pensées, de développer mes idées. Oui, bien sûr, mais... Il me faut du temps et de la tranquillité, Madame Coudon, si vous ne voulez pas que j'écrive n'importe quoi. Mais... Allez, soyez gentille, là, et laissez-moi travailler. Mais... Oui, c'est ça. Bonne journée, là. Pfiou, je l'ai échappé belle. Si elle savait que je n'ai pas écrit un traître mot, elle m'arracherait les yeux. Il me faudra tout de même me méfier. Je sens qu'elle n'abandonnera pas aussi facilement. c'était pas tiré de la symphonie familiale de Christian Martin, interprétée par le Newport Orchestra. Et maintenant, en direct du Studio C, votre émission d'affaires publiques préférée, Les Facteurs. Ça va mal. Rien de rien de rien. Pas le moindre petit soupçon d'inspiration. C'est à désespérer. Salut, mon jeune. Je suis passé dans le corridor puis je t'ai entendu brosser. Ça fait que... Me voilà. Bonjour, pépère. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ah, ben t'es bien smart, mon jeune. T'es bien smart. Puis, c'est quoi ton problème? Encore ton article, ton journal? Non, pas cette fois. Ah, oh, ben là, tu m'embauches un coin. C'est quoi, d'abord? La petite étoile que je dois écrire pour Mme Coudon. Cette affaire-là. Tu t'es fait pogner en base, toi, avec ça, hein, mon jeune? Vous l'avez dit. Depuis à cette heure, t'es plus capable d'être dépogné. C'est ça ton problème, mon jeune? Ben, oui et non. Maintenant que j'ai promis d'aider Mme Coudon, je ne reviendrai pas sur ma parole. Ah, je comprends ça. Seulement, ça serait plus facile si j'avais une idée du sujet de la pièce. Cossé, mais tu t'as pas encore commencé? Bon, bien sûr aussi. Ouais, ben si tu sais même pas encore de quoi ça parle, tu dois pas avoir grand-chose de fait, mon jeune. Ben... J'ai écrit mon nom. C'est tout? Ben oui. Ouais, t'es mal parti en Boswell, mon jeune. Vous le faites pas dire. Vous n'auriez pas une idée à me suggérer, pépère? Pour me dépanner? Attends, ouais. On aurait peut-être bien une. Ben, dites toujours. Ben, ça sera comme tu dirais l'histoire d'un beau bonhomme qui doit laisser sa blonde, un beau brin de fille, le dentelier de son métier, pour aller à la guerre. Ben, tu dis rien, mon jeune? Ben, j'attends la suite. Ben, la suite, la suite. C'est-tu toi qui l'écris, cette pièce, ou c'est moi? C'est toi l'écrivain, après tout. La suite, invente-la toi-même, Boswell. Moi, je te donne l'idée. Le reste, c'est ton affaire, mon jeune. Bon, je la laisse travailler, là. Salut, mon jeune. Bonne journée, pépère. Et merci d'être passé. Ben, reviens, mon jeune. Quand il s'agit d'écrire une histoire, pépère donne toujours la même idée. Mais elle vaut 100 fois mieux que celle du témoin. Ceci dit, elle a tout de même de la barbe, l'idée de pépère. Le soldat qui perd à la guerre, c'est vu comme le monde, ça. Enfin, si je n'ai pas le choix. Alors, Monsieur Courtemèche, vous avez avancé? Je peux voir, en lire un bout? Non, non, et non. Ah! Du calme, mon petit Paul, du calme. Respire profondément. Non, ça ne va pas mieux. Peut-être qu'un peu de musique. Baby, I'm a rich man. He's a lord. Do you know who I am? He's a lord. I'm there in the sand. I like a dream. Do you know who I am? C'était He's a Lover de Christian Martin, interprété par Kael. Nom de Zeus, Madame Coudon, qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à la fenêtre de mon bureau? Je suis au quatrième. Aidez-moi, Monsieur Courtemèche, aidez-moi, je vais perdre pied. Ramon, vous mériteriez que je vous laisse là. Monsieur Courtemèche, je ne plaisante pas, je vais tomber. La fenêtre n'est qu'entrouverte, laissez-moi l'ouvrir toute grande. Mais hâtez-vous! Voilà, c'est fait. Allez, donnez-moi la main. Mais... Pas de discussion, donnez-moi la main. C'est bien. L'autre, maintenant. Mais... L'autre! Parfait. Accrochez-vous bien, je vais vous tirer à l'intérieur. Aïe! Et maintenant, allez-vous m'expliquer ce que vous faisiez là, va? Je voulais voir ma pièce. Votre pièce. À ce que je sache, c'est encore la mienne. Pour votre pénitence, hein, vous ne verrez rien du tout avant qu'elle soit complètement terminée, fignolée, peaufinée. Oh, Monsieur Courtemèche! Et si ça ne vous convient pas, là, vous trouverez quelqu'un d'autre pour l'écrire, votre pièce. Oh, Monsieur Courtemèche, vous ne pouvez pas faire ça! Je vous gênerai. Et maintenant, debout. Ne m'aiderez-vous pas? Soit. Et maintenant, filez. Un seul petit coup d'œil. Madame Coudon. C'est bon, je m'en vais, mais je ne vous salue pas. Je n'y arriverai pas. Eh bien, mon Polo, je constate que tu as toujours autant de succès auprès des dames. Je viens de voir Madame Coudon sortir d'ici comme une furie. Et qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi qu'elle m'espionnait par la fenêtre de mon bureau. Je ne la croyais pas désespérée à ce point. Après tout, tu n'es pas le seul mal en ville. C'est pas ça. Elle veut absolument avoir la pièce de théâtre que j'écris pour sa campagne. Pourquoi ne la lui montres-tu pas? Ça la calmerait et elle te ficherait la paix. Parce qu'il n'y a rien à voir, remords. Quoi? Il n'y a rien à voir, puisque je n'ai encore rien écrit. Sauf mon nom. Oui, bon, dans ce cas, en effet. Mais qu'est-ce qui te retarde? Le manque d'inspiration. Je n'ai pas la moindre petite idée valable pour cette remords de pièce. C'est un problème, en effet. Tu n'aurais rien à me suggérer, par hasard? Pour une pièce? Tu veux rire? Si c'était pour un slogan publicitaire, je ne dis pas, mais... Sorry, je peux rentrer? Oh, pardon! Salut, mon vieil! Sir? Bonjour, Mac. Vous vous connaissez tous les deux? Je ne crois pas. Comment allez-vous, Mac? Très bien, thank you. Et toi? J'ai une pêche d'enfer! Qu'est-ce qui t'amène, Mac? Je passais dans ton rue et j'ai vu un escabeau tout magané à terre en dessous de ton fenêtre. J'avais peur que t'avais eu un accident en lavant tes châssis ou quelque chose de même. Non, ça doit être Madame Coudon. Je ne sais pas comment elle a fait son compte, mais elle a réussi à grimper jusqu'à ma fenêtre pour m'espionner. Quand j'ai réussi à la tirer à l'intérieur, j'ai entendu un machin dégringoler. Un escabeau, dis-tu? Yeah. Mais c'est quoi qu'elle voulait voir dans ta bureau? La pièce de théâtre qu'il n'est pas en train de lui écrire. What? Je suis supposé écrire une pièce de théâtre pour sa campagne de levée de fonds. Yeah, I know. So? So, je n'ai pas écrit la moindre petite ligne parce que je n'ai pas la moindre idée du sujet. Well, si tu veux une comédie, le bit avec l'escabeau et Mrs. Coudon dans la fenêtre, c'est assez funny. C'est vrai que c'est très drôle. Ça paraît que ce n'est pas toi qui as dû la tirer à l'intérieur. Elle pèse, la mère Coudon. Ça aussi, c'est funny. C'est vrai que c'est plutôt drôle. Messieurs, puis-je savoir ce qui vous fait rire ainsi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha